9. Les chutes de Phaéton. Phaéton, je veux dire Amédée Granval, un de mes amis, me racontait un jour son histoire. Si j'avais, me disait-il, à composer la bibliothèque d'un jeune homme ou d'une jeune fille, je commencerais par écarter les écrivains suspects de poésie. On ne saurait se figurer quelle déplorable influence les poètes exercent sur les opinions de la jeunesse, ni combien de mécomptes attendent celui qui a eu l'imprudence de les lire et l'ingénuité de les croire. À 20 ans, j'avais le cerveau meublé d'innombrables morceaux choisis, soit en vers, soit en prose. Je possédais l'abeille du Parnasse, les ornements de la mémoire, et toutes les leçons de littérature possibles. Je fis mon entrée dans le monde avec un bagage complet d'idées puisées, comme on le voit, aux plus riches sources de la poésie. J'avais pris à la lettre toutes les exagérations rimées ou non, et, sur la foi de mes auteurs, je m'étais arrangé à l'avance une vie de délicieuses sensations, d'émotions esquises, d'admiration et d'adoration perpétuelle. Je me souviens par exemple qu'un matin je suivais en me promenant un des nombreux sentiers qui sillonnent le coteau de Villeneuve-le-Roi. J'avais devant moi des champs, des prairies, la Seine, et plus loin la verdoyante colline qui s'élève derrière Villeneuve-Saint-Georges. L'air était pur, le soleil pénétrant. Les premières fleurs du printemps s'épanouissaient sur leurs tiges. Les oiseaux gazouillaient. C'était un ravissant tableau, et dont je jouissais pleinement sans m'en rendre compte. Mais voilà que j'eus la déplorable inspiration de me réciter, chemin faisant, une description de je ne sais plus quel poète. L'auteur y représentait un homme vertueux assistant au réveil de la nature par une belle matinée du mois de mai. Dieu sait que de magnifiques choses accumulaient sa muse, et comme aussi l'homme vertueux s'arrêtait enthousiasmé à la vue de ce riche spectacle, levant les mains au ciel, poussant des cris d'admiration entrecoupés de soupirs, les yeux baignés de larmes et le cœur palpitant. Vous ne sauriez croire de quelle sainte indignation je me sentis aussitôt saisi contre moi-même. Le fait est que je trouvais fort mesquine mes sensations comparées à celles de l'homme vertueux. Je portais la main à mes yeux. Ils étaient secs. Je l'appuyais contre mon cœur. Les mouvements en étaient d'une régularité désespérante. Enfin, mes bras ne s'étaient livrés à aucune espèce de pantomime, et mes lèvres ne s'étaient point ouvertes pour donner passage au moindre soupir. À la vérité, je regardais avec un certain plaisir, je respirais avec un certain bien-être, mais c'était tout. Je rentrais chez moi la tête basse, et me demandant si par hasard je n'avais point l'âme d'un coquin. Je vous ai conté cet épisode, peu important en lui-même, afin de vous donner une idée de mes dispositions à l'âge où j'allais commencer à jouer mon rôle dans la vie. Avant d'envisager à leur véritable point de vue les hommes et les choses, je devais, vous le comprenez, passer par une foule de déceptions. En effet, elles ne me manquèrent point. Ma fortune, sans être considérable, me permettait de choisir, en fait d'occupation, celle de dépenser tranquillement mon revenu. Mais le farniente n'allait point à mon tempérament, et j'avais de ma capacité une trop haute opinion pour me résigner à l'insipide existence d'un homme inutile. Je songeais donc à embrasser une profession. Naturellement, je la voulus belle, grande, honorable. Quoi de plus beau que de se constituer le défenseur de la veuve et de l'orphelin? J'aurais pu citer sur ce sujet des volumes de tirades ronflantes et de saisissantes périodes. Quoi de plus grand que d'appliquer les forces de son intelligence à la conservation et au salut de ses semblables, d'entrer en lutte avec l'infirmité humaine, de vaincre la maladie, de triompher même de la mort? Quelle noble carrière de dévouement, d'abnégation, de désintéressement, et aussi que de gloire pour l'homme privilégié dont le succès couronne la science. Les poètes ont encore écrit là-dessus une foule de belles choses, et rien qu'à me les rappeler, je me sentais ému, séduit, transporté. Quoi de plus beau, de plus grand, de plus honorable à la fois que le commerce? Étudier les productions des diverses contrées, savoir ce que l'une a de trop et ce qui manque à l'autre, demander au midi son superflu pour subvenir aux besoins du Nord, se faire le dispensateur des biens de la terre, le réparateur des oublis de la nature, n'est-ce point exercer une sorte de royauté, s'élever même jusqu'au rôle de providence? Avec un peu de mémoire, il ne serait pas malaisé de coudre les uns à la suite des autres bon nombre de morceaux éloquents sur ce genre de providence et de royauté. Entre ces trois augustes professions, d'avocat, de médecin et de négociant, vous conviendrez que l'hésitation était permise. J'hésitais même assez longtemps. Or, pendant que j'hésitais, il me survint une difficulté avec le propriétaire d'une maison voisine de la mienne. Je n'avais nulle expérience des affaires. Il m'eût été impossible de décider qui avait tort de mon adversaire ou de moi. Il s'agissait d'un petit terrain contigu à nos deux propriétés et resté sans destination depuis un grand nombre d'années. Seulement il s'y trouvait quelques matériaux de construction, placés là autrefois par mon père, et qu'on y avait laissés, faute d'emploi, sans que personne eût jamais pris souci de leur disputer les quelques mètres de superficie qu'ils occupaient. Mon voisin, ayant résolu d'agrandir sa maison, revendiqua la propriété de ce coin de terre. Je la lui déniais tout naturellement, habitué que j'étais à voir, dès mon enfance, le susdit terrain couvert d'objets à nous appartenant. De là, sommation réciproque, citation, assignation, toute cette avant-garde des procès si propres à inspirer pour le corps d'armée une horreur salutaire. J'étais de bonne foi. Je voulus, avant de pousser plus loin, m'assurer si mon droit était réel. Et je priai mon avocat, homme généralement cité, pour une des lumières du palais, d'étudier l'affaire à fond, comme s'il était à la veille de plaider. Cela fait, il vint me trouver et me dit d'un air souriant « Les dés sont pour nous. Je puis vous garantir le gain de votre cause. Ainsi, le terrain m'appartient. Depuis 6 mois, c'est incontestable. Pourquoi depuis 6 mois ? Parce qu'à cette époque, il y eut prescription en votre faveur. Comment prescription ? Sans doute. Les matériaux entassés sur le terrain, en litige, ne vous appartiennent-ils point ? Ils m'appartiennent. Existe-t-il quelque acte régulier qui ait mis en demeure, vous ou votre père, de faire enlever les 10 matériaux ? Aucun. Donc, ayant joui de l'immeuble aujourd'hui contesté, durant le temps voulu pour établir la prescription, et ce sans que personne ait songé à vous en disputer la tranquille possession, vous en êtes devenu légalement propriétaire. Et je ne l'étais pas auparavant. Je dois convenir, examen fait des pièces, que le bon droit alors eût été du côté de la partie adverse. Et vous m'engagez à plaider ? Parbleu, à dépouiller un homme de son bien parce qu'il a plu à un autre de s'y installer à une certaine époque et durant un certain laps de temps. Que ne faisait-il des actes conservatoires ordonnés par la loi ? J'étais indigné. Dieu me garde d'invoquer, dans un but de spoliation, une loi destinée seulement à trancher les questions douteuses où les preuves font défaut. Je ne plaiderai point. « C'est beau, c'est généreux, » dit mon avocat, en pinçant les lèvres. « Mais si tous nos clients vous ressemblaient, il ne nous resterait qu'à mettre la robe au croc et à jeter le bonnet par-dessus les murs. » Cet échantillon était peu fait pour m'allécher. J'abdiquais toute prétention au glorieux titre de défenseur de la veuve et de l'orphelin. Mécontent de Thémis, je tournai mes regards vers Hippocrate. La veille du jour où j'avais résolu de prendre ma première inscription à l'école de médecine, j'allais faire visite à un illustre professeur, dont quelques lettres de recommandation m'ouvrirent le cabinet. C'était un homme à physionomie grave, sévère, réfléchi. Les rides de son front témoignaient de ses travaux et de ses veilles. Il avait le regard profond et le ton magistral. À son abord, je me sentis intimidé. Peut-être aussi étais-je ébloui par ce qui frappait ma vue autour de moi. L'antichambre, le salon, le cabinet surtout, étaient meublés avec une incroyable somptuosité. Ce n'était que tapis d'Aubusson, que tentures de soie, que bronze précieux, que tableau de maître. Je ne trouvais certes rien à redire à ce luxe, et je voyais dans le grand praticien comme une divinité dont l'autel ne pouvait être paré avec trop de magnificence. J'étais si fasciné au milieu de ce temple, en présence de ce dieu, que j'aurais volontiers courbé la tête et fléchi le genou. « Ah, disais-je en moi-même, c'est bien vers ce côté que penche ma vocation. Oui, c'est sur vos travaux que je veux marcher. C'est à votre gloire, c'est à vos vertus que je veux atteindre, ô bienfaiteur de l'humanité !» Un secrétaire lisait à haute voix la liste des malades à visiter ce jour-là. Il y figurait de hauts personnages, des rois de la finance, des princes de la littérature et des arts. Une lettre venait à l'appui de chaque nom. Madame la comtesse de B, Monsieur le banquier X, Monsieur T, le célèbre historien, Monsieur H, le peintre éminent, employait les formules les plus caressantes pour implorer la faveur d'une prompte visite. J'étais émerveillé. Une pareille vogue témoignait assurément d'un grand savoir. Et si cet homme était la providence du riche, combien plus encore devait-il l'être du pauvre, que les largesses des heureux de ce monde lui permettaient de secourir de sa bourse, en même temps que de sa science. Pendant que je faisais cette réflexion, un domestique entra tout effaré. « Monsieur, un pauvre manœuvre vient de se laisser tomber d'un échafaudage, à 2 pas de notre maison. » « Eh bien, il a les membres rompus. Son état paraît des plus alarmants. » « Que voulez-vous que j'y fasse ? On supplie monsieur de porter les premiers secours à ce malheureux. »« Répondez que je n'y suis point. Il est le seul soutien d'une femme et de 5 enfants en bas âge. Faites atteler. Madame la comtesse de B a sa migraine, et battant. Le temps qu'il faudra pour mettre les chevaux à la voiture, monsieur, pour aller donner à ce pauvre diable. A-t-il 40 francs? Les passants ont fait une collecte, qui a produit environ 40 sous. J'en suis fâché, mais vous savez bien que je ne marche pas à moins de 40 francs. Et se tournant de mon côté, beau métier, vraiment, s'il fallait courir au secours du premier pied poudreux qui a la fantaisie de se laisser choir sur le pavé. J'avais la bouche béante et le regard stupéfait. Encore une illusion perdue. Avec elle s'évanouit mon désir de prendre rang parmi les bienfaiteurs de l'humanité. Restait le commerce. J'y consacrais mes capitaux. Ô vertus traditionnelles du négociant, travail, exactitude, franchise, loyauté, qu'étiez-vous devenu? Je vous cherchais avec obstination. Et si je m'en rapporte aux résultats de mes recherches, vous deviez être bien rare ou bien caché. Voulez-vous faire un marché d'or? Me demandait un courtier. Le sucre manque. La hausse est infaillible. Je sais un navire chargé de cette denrée qui doit entrer demain au Havre. Je vous vends toute la cargaison au cours actuel. Et moi de profiter d'une si belle occasion. Le lendemain, le navire annoncé faisait en effet son entrée dans le port du Havre, mais en compagnie de 20 autres également chargés de sucre. Et mon traître n'avait pu l'ignorer. Il y eut baisse, je fus refait de quelques billets de 1000 francs. M'arrivait-il de faire des commandes à quelques fabricants? Quels magnifiques échantillons! Quelle horrible marchandise! On me trompait sur la qualité, on me trompait sur la quantité, on me trompait sur l'époque de la livraison, on me trompait sur tout. J'étais dans une véritable forêt de bandits, et si j'avais la naïveté de crier au voleur, on me regardait en riant. On haussait les épaules, on avait l'impudeur de me dire que j'étais un niais et que je n'y entendais rien. Je tombais d'étonnement en étonnement, de déception en déception. La poésie, qui ne descend point aux faiblesses humaines, ne m'avait chanté que des héros. Événement, je me mettais en quête sur la foi de la poésie. Je ne rencontrais de héros nulle part. Mais si c'est un malheur d'arriver en présence du mal, avec la croyance que le bien seul existe, et d'être ainsi livré sans armes aux attaques de l'ennemi, c'en est un plus grand encore, peut-être d'avoir pris dans ses livres une opinion exagérée de vertus humaines. Nous ne rêvons plus alors que des impossibilités. Nous n'admettons ni obstacles, ni excuses, ni degrés. Pour nous, tout ce qui n'est point perfection devient vice. À force d'aller droit au milieu de gens qui marchaient de travers, je ne pouvais manquer d'être heurté à chaque pas, et je devais finir par tomber. Un jour que j'interrogeais mon bilan, je me vis en face d'une faillite imminente. 200 000 francs à payer, 100 000 en caisse, 24 heures seulement pour combler le déficit. 1 million dont on peut se passer est plus facile à trouver que 100 000 francs dont on a besoin. À qui m'adresser dans une telle détresse, sinon à toi, sainte amitié? J'avais pour ami intime un de nos anciens camarades d'études, Joseph Tillemant. Joseph était riche. Il ne pouvait se dispenser de me sortir d'affaires. N'avais-je pas lu 20 fois qu'entre 2 amis, tout était commun? L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Je n'aurais pas même l'embarras de lui dévoiler ma situation. Il la devinerait au seul aspect de ma physionomie, et il s'empresserait d'aller au-devant d'une demande toujours pénible à formuler. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Je courus en toute hâte chez Tillemant. Il est de fait qu'il ne devina rien à ma physionomie, et qu'il se contenta de me dire « Que diable as-tu donc ?» du même air dont il m'avait dit la veille « Comment te portes-tu » Me voilà, pour commencer, contraint de passer sous les fourches caudines du récit. Mais du moins aurais-je la consolation de voir mon ami frissonner, pâlir, se jeter à mon cou, mais laisser l'arme aux miennes en me disant « Ma bourse est à toi !» Point du tout, il se mit à me sermonner. « Comment es-tu réduit à cette extrémité? Tu as donc manqué à toutes les règles de la prudence. Tu as mal combiné tes spéculations. Tes opérations ont été mal dirigées. On ne se fait négociant qu'à la condition d'avoir le regard juste et l'esprit calculateur, etc. On a d'ordinaire une verve intarissable pour démontrer à un malheureux qu'il a tort d'être dans le malheur. Et mon ami, tirons-moi de danger, tu feras après ta harangue. Quelle somme te faut-il? 100 000 francs. 100 000 francs? Cela ne se trouve point dans le pas d'un cheval. Où veux-tu que je les prenne? Ta maison vaut le double, tu pourrais l'hypothéquer. C'est la propriété de ma femme, je n'en suis que l'administrateur. Mais si ta femme donnait son consentement, je refuserais le mien. Souffrir que le bien de ma femme fût engagé pour une somme d'une rentrée douteuse, ce serait manquer au plus saint de mes devoirs. N'as-tu pas une somme considérable chez Berthelombo? À peu près celle que tu demandes. Et elle est à toi? Parfaitement à moi. Alors je suis sauvé. Berthelombo est un jeune homme qui débute. Il a de la probité, de l'intelligence. Son entreprise est en voie de prospérité. Le ciel me préserve de lui porter un coup mortel en lui retirant tout à coup un capital qui est la base de ses affaires. Sans doute, il vaut mieux que je périsse. Peut-être. Avec ta manière de procéder, le sacrifice que tu exiges ne ferait que reculer ta chute et la rendre plus terrible. Il n'y a donc point d'amis, m'écriai-je. L'amitié n'est qu'un mot. Cependant, Joseph ne m'abandonna point. Il vint chez moi, il scruta ma comptabilité dans ses moindres détails et me dit qu'il se chargeait de ma liquidation. Le lendemain, il assembla mes créanciers et leur démontra qu'il était de leur intérêt de me laisser mener à fin quelques opérations commencées. La lucidité de ses calculs me valut un délai suffisant. Au bout de ce délai, je me retirai gros Jean comme devant. Mais si le commerce ne m'avait point enrichi, j'étais du moins assez heureux pour n'y laisser aucune de mes plumes. Je fus bien longtemps à comprendre que Tillemant, cet ami si prudent, si scrupuleux, si glacé, avait en définitive sauvé du naufrage mon argent et mon honneur. Toutes ces épreuves ne m'avaient pas complètement guéri. Ma vue, au lieu de descendre modestement à terre, s'obstinait à planer sur les nuages. Une dernière leçon m'était réservée. Partout les poètes usent de l'hyperbole. Mais quand la verve les tient à l'endroit du beau sexe et de l'amour, on peut dire qu'ils en abusent. Je vous laisse à penser quelle idée il m'avait fait concevoir de l'amour et de la femme. La femme aimée, pour moi, c'était une reine commandant à des esclaves, une idole qu'on adore, le front dans la poussière. Une reine et une idole parée de gaz, de rubans et de fleurs, fuyant le soleil dont les rayons outrageaient les lisses de son teint, craignant d'user au travail ses doigts délicats et roses, et ne se nourrissant que d'encens et de soupirs. L'amour, c'était le droit de vivre aux genoux de cette divinité, en contemplation éternelle de sa taille de nymphe, de son cou de cygne, de son front radieux, de sa chevelure ondoyante et de sa chatoyante prunelle. Oh, vivre ainsi une heure et puis mourir, disent les poètes. Suprême félicité, délicieux passe-temps. Je comptais bien y employer une vie qui durerait plus d'une heure. Je paraphrasais cette pensée en 4 pages d'une écriture fine et serrée, que j'adressais à Gabrielle. Gabrielle était l'idole que j'adorais, la reine dont j'allais être l'esclave. Le lendemain de la cérémonie nuptiale, je me mis en devoir de réaliser mon programme. Gabrielle était parée de fleurs, de rubans et de gaz. Je tombais à ses genoux, et je passais la journée à contempler sa taille, son cou, son front, sa chevelure et sa prunelle. Elle s'y prêta de la meilleure grâce du monde. Le jour suivant, même toilette, même génuflexion, même contemplation, et de la part de Gabrielle, même complaisance. Et puis nous recommençâmes. Combien de temps? Je ne me le rappelle pas au juste, mais nous ne complétâmes point la lune de miel. Voici comment la chose se termina. Un matin, je m'étais enfoncé dans un fauteuil pour varier la posture, et je contemplais un peu moins la prunelle, la chevelure, le front, le cou et la taille de Gabrielle, que je commençais à savoir par cœur. Eh, le fauteuil ne me déplaît point, dis-je avec un air de béatitude, la tête renversée sur le dossier, les mains croisées sur la poitrine et les jambes allongées. J'ai les genoux tout endoloris. Je le crois, fit Gabrielle avec un sourire qui me parut assez équivoque. Quelques instants après, je m'écriai en étouffant un bâillement. Je ne serai, par Dieu, pas fâché de déjeuner. Je tombe d'inanition. Rien ne creuse l'estomac comme la contemplation, dit Gabrielle avec un nouveau sourire. Ces 2 sourires de Gabrielle me donnèrent beaucoup à penser. Je crus y démêler une intention de reproche. Cela me mit de mauvaise humeur contre elle et contre moi-même. Je m'accusais de caprice. Je la trouvais exigeante. Bref, je boudais. Le déjeuner vint heureusement faire diversion. Je me mis à dévorer. « Tu ne manges pas, » dis-je à Gabrielle, qui me regardait et ne suivait point mon exemple. « J'ai le cœur plein, » me répondit-elle avec un tendre soupir et de sa voix la plus langoureuse. « Et moi aussi, » pensais-je, ce qui ne m'a pourtant pas empêché tout à l'heure de me sentir l'estomac vide. J'eus toutefois quelque honte de ma voracité. Je demeurai sur mon appétit à mon grand regret. Le déjeuner fini, je m'approchai de la fenêtre. Le beau soleil, si j'allais voir Tillemant, il y a longtemps que je ne lui ai serré la main, à ce cher ami. Tu penses à t'éloigner de moi, fit Gabrielle, en me lançant le plus triste et le plus suppliant des regards. Il me sembla voir des larmes perler sous sa paupière. Devais-je les faire couler? J'étais incapable de cette cruauté. Je renonçais à mon projet de visite. Mais involontairement, je murmurais en moi-même les mots de chaîne et d'esclavage. Je n'aurais pourtant pas été fâché de prendre l'air. Veux-tu, Gabrielle, que nous fassions un tour de promenade sur les boulevards? Quitter ces rubans, cette gaze, ces fleurs, toute cette toilette de bal que tu aimes tant? Cela me fera plaisir de te voir une fois en toilette de ville. Et puis, tu n'y songes pas? Sortir par un soleil à ne pas mettre un bédouin dehors? Qu'avais-je à répondre, moi, qui, en fait, de teint, ne chantais d'autres nuances que celles d'Ulysse, de la neige et de l'albâtre? Tu as raison, dis-je. Nous attendrons la nuit pour nous promener. je crois que j'ajoutais intérieurement, nous aurons ce plaisir en commun avec les chauves-souris, les hiboux et les chouettes. Je ne sais quel remuant démon avait élu domicile ce jour-là dans ma personne. J'avais des inquiétudes aux jambes. Il m'était impossible de rester en place. Je me levais, je m'asseyais, je me levais encore. J'allais et venais dans l'appartement, étudiant les moulures du plafond, comptant les fleurs du tapis, regardant l'heure à la pendule. Je collais mon visage aux vitres de la fenêtre, comme fait l'oiseau captif au barreau de sa cage, à la vue du ciel bleu, des arbres verts et de l'espace. Je n'avais point satisfait mon appétit au déjeuner, et je venais de faire en quelques heures plus d'exercices que je n'en avais fait depuis mon mariage. Quand vint le dîner, je m'y bats toute vergogne, et je mangeais comme un affamé. Je ne saurais dire si Gabriel trouva cette fois mon exemple bon à suivre. Mes yeux ne dévièrent point de mon assiette. Il y avait encore la soirée à passer. Mon regard tomba sur la première page d'un journal des théâtres que je roulais machinalement entre les doigts. « Tiens, m'écriai-je, c'est le jour d'opéra. Ne serais-tu point curieuse, cher ami, d'entendre ce soir un peu de Meyerbeer ?» Gabriel leva sur moi sa prunelle tout étonnée. « Tu n'as pas de toilette à faire, ajoutai-je en jetant un regard sur ses rubans et ses fleurs qui avaient été bien près de m'agacer les nerfs, et auxquels j'étais heureux de ne pouvoir enfin assigner un emploi raisonnable. « Vous ne m'aimez plus, Amédée, » fit Gabriel d'une voix qui me sembla très émue. « Que dis-tu ? Moi, ne plus t'aimer, je te jure. Pas de serments inutiles. Hélas, je le vois trop bien. J'ai cessé d'être votre idole, votre reine. » Elle se couvrit le visage de ses deux mains. Je fus libre de me la représenter, pleurant à sanglots. Le moyen de reparler d'opéra. Évidemment, il ne me restait qu'à demander pardon de toutes mes impertinences. Je m'exécutais. Gabrielle était assise sur le divan. Je me laissai glisser sur un coussin à ses pieds. Je pris sa main que je baisai deux ou trois fois. Je donnai quelques secondes à la contemplation de son front et de sa chevelure. Je tortillai un de ses rubans autour de mon doigt, puis ma tête s'inclina doucement sur ses genoux. Ma foi, je m'y endormis. Je fus réveillé par le rire le plus fou qu'il m'ait été donné d'entendre dans ma vie. C'était Gabrielle, qui en prenait pour tout le temps qu'elle s'était contrainte. Je ne vis d'autre moyen de cacher ma confusion que de faire comme elle. Gabrielle, un peu calmée, courut ouvrir une petite cassette de marqueterie. Elle en tira une lettre qu'elle me présenta. Cette lettre, c'était les quatre pages d'écriture fine et serrée dont je vous ai parlé, et que je lui avais envoyée une huitaine de jours avant notre mariage. « Si tu m'avais été indifférent, dit-elle, je t'aurais renvoyé ce beau morceau d'éloquence, et tu serais encore garçon. Mais je t'aimais et je me suis risqué. Une femme ne renonce jamais à l'espoir de corriger celui qu'elle aime. Ai-je réussi ?» Ma conduite depuis le matin avait surabondamment répondu à cette question. « Vois-tu, mon ami, reprit-elle, il est possible que le mot « toujours » soit en poésie parfaitement à sa place. Mais dans la vie réelle, crois bien que « toujours » fera du bonheur même un supplice. Je vous ai dit que cette leçon fut la dernière. Aujourd'hui, je lis encore les poètes, mais je ne les crois plus. »